toi. Quand soudain le bus arrivant fut comme un pavé dans la mare. Son cartable était bien trop lourd, son petit gilet tout trempé. Bientôt il ne ferait plus jour, ça faisait 3 heures qu'il attendait. Ce petit garçon c'était Jean-Pierre, il était loin de sa maison. Quand dans un accès de colère, le bus lui fit perdre raison. Je hais le bus et tous les gens qui montent dedans. Je hais le bus et tous les gens qui montent dedans. Je hais le bus et tous les gens qui montent dedans. Et tous les gens qui montent dedans. Le bus finit par arriver. Petit Jean-Pierre n'y croyait plus. Pourtant il se fit engueuler par le chauffeur qui avait bu. J'y demande un ticket, mais il n'avait pas la monnaie. Le chauffeur lui dit énervé, c'est la dernière fois c'est allé. Le petit garçon était tout penaud et alla s'asseoir. Cette fois pour lui, j'en étais trop. C'était sûrement le terminus. Je hais le bus et tous les gens qui montent dedans. Je hais le bus et tous les gens qui montent dedans. Je hais le bus et tous les gens qui montent dedans. Je hais le bus et tous les gens qui montent dedans. Je hais le bus et tous les gens qui montent dedans.